Love n'est pas comme d'habitude, n'est-ce pas? Oui, c'est une émission spéciale. Spéciale? Tout à fait, une émission spéciale, car c'est un anniversaire. L'anniversaire de qui? L'anniversaire de Radio Audio. Et quel âge a Radio Audio? 40 ans, figurez-vous. 40 ans? Alors, peut-être nous pourrions lui souhaiter un bon anniversaire. Un anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. Bon anniversaire, Radio Audio. The rest of the world. Cette émission très spéciale, s'il vous plaît. Tout à fait. Cette émission a été concoctée à partir de collages. Des collages. Oui. Vous êtes amusé, Dandy. Comme un petit fou. J'ai écouté la radio, les nuits de solitude où vous étiez éloigné dans d'autres contrées. Oui, cela m'arrive, Dandy. Je me suis amusé avec un post-cassette en me promener sur les longs ongles, les longues ondes. Longues, longues, longues. Et en utilisant le fameux bouton pause, je me suis amusé à découper au hachoir la radio. C'est donc une émission de radio qui écoute la radio. Oh, mais c'est très expérimental, ça, dites-moi, Dandy. Un petit peu, je t'en fous. Serima fermo, de locoi ce maroi. Il n'y a rien à dire pour ma défense. Moi aussi, j'ai assassiné Dieu de ma paresse. Pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai perdu, oui. Oh, bonjour, Rick. Chers amis, c'est la fin donc de cette émission. Toute l'équipe de Radio Vatican rentre bientôt. Dieu pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et pour le monde entier. Et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux et pour le monde entier. Prends pitié de nous et pitié. Dieu éternel. Prends pitié de nous. Êtes-vous prêt pour le grand saut? ton église dans la joie de ses fêtes pascales. Avec soi-même, né son rêve. Force sont des leviers. Miguel Ruiz nous présente à briser l'épanouissement que cette merveilleuse voix du cœur fait. Beaucoup parlent de compassion. De la meringue délicatement en mélangeant aussi à la spatule. Il pardonne gratuitement et pourtant il a voulu que Jésus vienne lui offrir un sacrifice. Il ne répondit à Dieu sur la l'obéit envie d'aimer les habites. L'expression « il est ressuscité » va au-delà des capacités humaines. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Ils dirent à terre, ton règne vienne, terre comme au ciel de ce jour. Pardonne l'humain. Et il y a un pilier, et le temple, ce qui est un taille famille avec ses corps, imposant pour que les gens soient subjugués par ce temple, la force du Dieu. Avec Dieu, parce que vous êtes Alléluia, Alléluia. Comme l'éclair. Netto.fr pour éviter de grignoter. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ben oui, parce que... intéressante qu'on me pose de temps en temps. Les chrétiens ne sont très longtemps quand on en faisait la présence du tabernacle avec le Saint-Sacrement, direction du tabernacle, un prêtre. On voyait plutôt les pères, en silence. Silence. Jésus, qu'il faut... est tellement beau pour prier, tellement important. Comment t'expliquer qu'à un certain moment, dans les églises, au milieu du fait que le peuple de Dieu, il sera sans fait peuple parler. Et on a bien on bâtit, prenant exemple sur les temples païens, du forum romain. Mystère glorieux. Quatrième mystère glorieux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. L'époque où le prophète reçoit le message. Première lettre de Saint-Père, belle que je vous ai annoncée, et vous y restez attachés. 99 le kilo et des amandes en poudre à 3,49€ les 400 grammes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et de vos entrailles est béni. Le Seigneur est avec vous, bénie. Je vis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Amen. Amen. Dandy ? Ah oui, Gianto. J'ai un peu froid. Mais rhabillez-vous donc. Ah oui. C'est vrai que ces petits sermons nous ont créé quelques émoustillements tout à fait cocasses. Eh bien, après ces voix célestes, chers auditeurs, chères auditrices, qu'allons-nous écouter, Dandy ? Nous allons maintenant voyager au pays de la musique, sous toutes ses formes, du rock, du jazz, musique classique s'il en est. Bien sûr, tout ça sans oublier le cutter, et la colle. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 RadioDio.org. Love, love, love. Alléluia. Alléluia. C'est BG. Eh franchement, N'hésitez pas à me dire si les pierres sont trop chaudes. Pour de ma théorie, oui. 36 euros par mois. rapide et... Vous connaissez l'origine ? Avant de rentrer... Voyons. All'anatomia di una vera auto da corsa. Thank you. là. Oui. Bon. 長谷。 おい、バスタオル持ってきて。 これ大相撲バスタオル、つまり大相撲のバスタオル。同じことだろ。じゃ くれないの。 何を。これだよ。 長谷園商品のバーコード2枚で当たります。 大相撲バスタオル プレゼント。 長谷園。 いい顔でいこう。 いいね、 いいね。 車も サービスも トヨタ。 レイシャブ食べたい。 ブ ッヤードレッシング。 ブ パパのおつまみが僕のおやつ、僕のおやつがパパのおつまみ、やっぱりうまいかな。 ピーナッツが入ったラーメンを マミ ベビースターラーメン。 メウソムノダンディ ウソム。 L'autre bout du monde. Au Japon. Au Japon. Nous allons maintenant écouter tout un tas de radios japonaises. En espérant que cela vous fera rire. En espérant que tout cela vous procurera une certaine fantaisie. Ah oui, la fantaisie, c'est important. Oui, tout à fait. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Dio. Love, love, love. 吐く出した以降でね、復元をしたものがこちらのものである。吐くでは黒く浮いたところがこの中なんですね。 ですから、これが粒が黒い、真っ赤になっているところでありますけれど、このような。 顔はあります。選挙ポスターもこれで言ってますから、もしこれを縫うことになったら、これ 締めるような感じの感じ。 私もね、 このまますんなり空港に行けると思ってるわけ？あの殺し屋たちが追ってくるでしょうに。 追っては来ない。俺の仕事を 引き紐とか取っ手をつけて、上はストック品なので台に乗って取る感じなんですけど。 ゲッツナッハッナッハッゲッツナ ッゲッツナッハ ッダンディ坂野ゼロゼロ。 ございます。 00000000009 まで。 このまま食べるんでしょ。 え内側のふわふわ感を。 へー、いやこうして見るとね、 しかもこれ買ったからしっぽくないですね 納豆とか あれ君たちなんか余分なもん。 また批判かよ。 どうせ俺ものの塊さ。 けっ、正直な若者を気取る前があるんじゃないか。 け っ、体バランス飲料 いいかで。 バレロ、 どうぞ。 はーい、 どうも。 どうも、 ようこそいらっしゃいました、 ね、ホームクリーニング MR。 はい、集まっているんですね、はい、集まっているんです、はい、ね、 いいお天気だし、 はい、はい、集まっているんですね、はい、集まっているんですね、 しらばっくるんじゃないわよ。 おい、あんた 何ですか。 何してんの。 ガーデニング。 あったかい。 16 going on 17 baby it's time to think better beware be。 家族との面、 あの田中さん良くなってよって、あの田中さん良くなってよって、 ラビアンローズ、ボンジュール、ムッシュ橋本さん、ご機嫌いかがのコマンタレブ。 ああ心が泣いてる。 時はさ、 ただいま。あ、愛ちゃん帰ってたの？ いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、優しい味わい。いや、いや、いや、いや、優しい味わい、優しい味わい、優しい味わい。いや、いや、いや、いや、優しい味わい。グレおばさんのカレー。 Thank you. いや。 箱を作ろうと。箱を作ろうと。箱を作ろうと。 昔 あのね箱を作ろうと。 昔 あのね雪化合物を作らなければいけないかと。 このお金持ってね、 はい、 あの喫茶店行ってね、 はい、 ここで、 はいはい、 通ってる車の運転手さんなんかに、 はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい はいはいはいはい はい はい走れるよね。 はい 走れるんだよね。 はい、シンシレモン、シンシレモン、シンシレモン、シンシレモン、プチプチハッピー、シンシレモン、イエーイ。 J の定期 Yarra, やでるわいかに。 Tämä palvelu on tarkoitettu vain jäsenille, mutta jäseneksi voit liittyä osoitteessa www.radioday.fi/. Mion voi nopeasti langettaa itsensä paremmaksi ihmiseksi. Tämän sunnuntain evankeliumin kuvaamat onnettomuudet. Dites donc, Dandy, nous ne sommes plus du tout au Japon. Nous voilà repartis explorer d'autres contrées. Lesquelles, Dandy ? Je crois que nous sommes passés par la Finlande ou la Suède. Nous irons en Haïti. Nous irons en Orient. Je vous resserre un whisky ? Oui, s'il vous plaît. Yo ! Bonsoir chers amis auditeurs et bienvenue à Ambiance. Eh bien aujourd'hui, nous avons quelque chose de très spécial pour vous, une émission particulière. Qu'est-ce que c'est, vous devez vous demander. Eh bien vous devez vous demander ce que c'est. Eh bien oui, qu'est-ce que c'est, vous devez vous demander ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, vous devez vous demander. Eh bien vous devez vous demander, vous devez vous demander. Qu'est-ce que c'est, ce que c'est. Eh bien oui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Eh bien oui, vous devez vous demander. Eh bien vous devez vous demander ce que c'est. Eh bien oui. Yon autre fois, gros bonjour pour nous toutes. Journal Rendez-vous 7:30. Yon présentation Xien Evans Nelson, mix exhumé, manœuvre technique yon assuré par collaborateur nous, Patrick et Joseph. Ce trafic drogue. Et puis, réclamer tout, révocation divers gros mapou dans la police là qui t'a impliqué dans la pratique ça. สั่งไก่ทอดแบบเดิมมันเยิ้มๆนะฮะฮัลโหลขาหมูเยอรมันเหรอคะค่ะค่ะค่ะพี่กี่คะเจ๊เหมาหมดฮะ มากำหนดง่ายได้อย่างใจร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเทียนทำบุญวัน Radio Erjuin. This is the voice of Mongolia. This is the Voice of Mongolia. Eh bien, voici venue la fin de notre voyage dans la radio qui écoute la radio sur Radio Duo. C'était super, Dandy. J'ai beaucoup aimé partager ce moment avec vous, Gento. Comme toujours. Comme toujours. Nous espérons, très chers auditeurs, très chères auditrices, que le plaisir aura été partagé. Sachez que d'autres émissions spéciales auront lieu jusqu'à dimanche dans le cadre de cet anniversaire de Radio Duo. Joyeux 40 ans Radio Duo. Joyeux 40 ans. 89.5. La force de l'âge sur radioduo.org. Quant à nous, Dandy, nous nous retrouvons demain, n'est-ce pas? Tout à fait, avec une émission aussi spéciale. Ah oui, très spéciale. Et oui, ce sera une émission shaker. Une émission shaker? Oui, nous aurons avec nous Lion in Bed, l'émission de Radio Duo. Love, love, love in Lion in Bed. Love, love, love in bed. Mais c'est très chaud, ça. Oh oui. À demain, à 22h. À demain, à 22h pour Love, love, love in bed. Bisous. Bisous. This is the Voice of Mongolia. This is the Voice of Mongolia.